Chapitre 6e. Tout va bien. Toute droite, sans se retourner vers l'ignoble vision, sans se soucier de ce qui pourrait advenir si elle était vue, marchant d'un pas automatique et raide, Véronique rentra au prieuré. Un seul but, un seul espoir la soutenait. Quitter l'île de Sarek. Elle était comme saturée d'horreur. Elle eut avisé trois cadavres, trois femmes égorgées au fusil ou même pendues, qu'elle n'eût pas eu cette même sensation de tout son être qui se révoltait. Cela, ce supplice, c'était trop. Il y avait là-dedans un excès d'ignominie, une œuvre sacrilège, une œuvre de damnation qui dépassait les bornes du mal. Et puis elle songeait à elle, quatrième et dernière victime. Le destin semblait la diriger vers ce dénouement ainsi qu'un condamné à mort que l'on pousse vers l'échafaud. Comment ne pas tressaillir de peur ? Comment ne pas voir un avertissement dans le choix de la colline du Grand Chêne pour le supplice des trois sœurs Archinia ? Elle essayait de se réconforter par des phrases. Tout s'expliquera. Il y a au fond de ces mystères atroces des causes toutes simples, des actes en apparence fantastiques, mais en réalité accomplis par des êtres de la même nature que moi et qui agissent pour des raisons criminelles et selon un plan déterminé. Certes, cela n'est possible que par suite de la guerre, et c'est la guerre qui crée un état de choses spécial où les événements de cette sorte peuvent se dérouler. Mais tout de même, il n'y a rien là de miraculeux et qui échappe aux règles de la vie ordinaire. Paroles inutiles, tentatives de raisonnement que son cerveau avait peine à suivre. Au fond, ébranlée par des secousses nerveuses trop violentes, elle en arrivait à penser et à sentir comme tous ceux de Sarek qu'elle avait vus mourir, défaillante comme eux, secouée par les mêmes terreurs, assiégée par les mêmes cauchemars, déséquilibrée par tout ce qui restait en elle des instincts d'autrefois, des survivances, des superstitions toujours prêtes à remonter à la surface. Quels étaient ces êtres invisibles qui la persécutaient ? Qui donc avait mission de peupler les 30 cercueils de Sarek ? Qui donc anéantissait tous les habitants de l'île malheureuse ? Qui demeurait dans les cavernes, cueillait, aux heures fatidiques, le gui sacré et les herbes de la Saint-Jean, se servait de haches et de flèches, crucifiait les femmes ? Et pour quelle besogne affreuse ? En vue de quelle œuvre monstrueuse ? Selon quels desseins inimaginables ? Esprit des ténèbres, génie malfaisant, prêtre d'une religion morte, offrant en sacrifice à des dieux sanguinaires, hommes, femmes, enfants. « Assez, assez, je deviens folle » fit-elle à haute voix. « M'en aller, que je n'ai plus d'autre pensée que de m'en aller de cet enfer. » Mais on eût dit que le destin s'ingéniait à la martyriser. Ayant commencé ses recherches pour découvrir quelque aliment, elle avisa soudain dans le bureau de son père, au fond d'un placard, une feuille de papier épinglée sur le mur et qui représentait la même scène que le rouleau de papier trouvé dans la cabane abandonnée près du cadavre de Magnoc. Il y avait, sur une des planches du placard, un carton à dessin. Elle l'ouvrit. Il contenait plusieurs ébauches de la scène, tracées également à la sanguine. Chacune portait, au-dessus de la première tête de femme, l'inscription V des apostrophes H. L'une d'elles était signée Antoine d'Hergement. Ainsi, c'était son père qui avait fait le dessin sur le papier de Magnoc. C'était son père qui avait tenté, sur toutes ses ébauches, de donner à la femme torturée une ressemblance de plus en plus exacte avec sa fille. « Assez, assez !» répéta Véronique. « Je ne veux pas penser, je ne veux pas réfléchir. » Très affaiblie, elle poursuivit ses investigations, mais ne trouva pas de quoi tromper sa faim. Elle ne trouva rien non plus qui lui permît d'allumer du feu à la pointe de l'île. Cependant, la brume s'était dissipée et les signaux eussent été certainement remarqués. Elle essaya de frotter deux silex l'un contre l'autre, mais elle s'y prenait mal et ne réussit point. Trois jours durant, elle se soutint avec de l'eau et des fraises sauvages cueillies parmi les ruines. Fiévreuse, à bout de force, elle avait des crises de larmes qui, chaque fois presque, déterminaient l'apparition subite de tout va bien, et sa détresse physique était telle qu'elle en voulait à la pauvre bête de porter ce nom absurde, et qu'elle le chassait. Tout va bien, étonnée, se postait plus loin sur son derrière et recommençait à faire le beau. Elle s'acharnait après lui, comme s'il eût été coupable d'être le chien de François. Le moindre bruit la secouait des pieds à la tête et la couvrait de sueur. Que faisaient les êtres du grand chêne ? Par où se préparaient-ils à l'attaquer ? Elle serrait les bras autour de son corps, toute frémissante à l'idée de tomber entre les mains de ces monstres. Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était belle et qu'il serait peut-être tenté par sa beauté et par sa jeunesse. Mais le quatrième jour, un grand espoir la souleva. Elle avait trouvé dans un tiroir une loupe assez forte. Profitant d'un beau soleil, elle concentra les rayons lumineux sur une feuille de papier qui finit par s'enflammer et à laquelle il lui fut possible d'allumer une bougie. Elle se crut sauvée. Elle avait découvert toute une réserve de bougies, ce qui lui permit tout d'abord d'entretenir jusqu'au soir la flamme précieuse. Vers 11 heures, munie d'une lanterne, elle se dirigea vers le kiosque avec l'intention d'y mettre le feu. Le temps était clair et le signal serait observé de la côte. Craignant d'être vue avec sa lumière, craignant surtout l'apparition tragique des sœurs Archinia, dont la clarté de la lune inondait le calvaire, elle suivit, au sortir du prieuré, un autre chemin plus à gauche et bordé de taillis. Elle allait à pas inquiets, évitant de froisser les feuilles et de heurter les racines. Comme elle arrivait en terrain découvert, non loin du kiosque, elle se trouva si lasse qu'elle dut s'asseoir. Sa tête bourdonnait. Il lui semblait que son cœur refusait de battre. De là non plus, elle ne pouvait encore discerner le lieu du supplice. Mais ayant malgré elle tourné les yeux vers la colline, elle eut l'impression que quelque chose comme une silhouette blanche avait bougé. C'était au cœur même du bois, à l'extrémité d'une avenue qui coupait la masse des arbres dans cette direction. La silhouette passa de nouveau, en pleine clarté, et Véronique se rendit compte, bien que la distance fût assez grande, que c'était la silhouette d'un être habillé d'une robe et qui se tenait au milieu des branches d'un arbre isolé et plus haut que les autres. Elle se rappela les paroles des sœurs Archinia. « Le 6e jour de la lune approche. Ils monteront dans le grand chêne et cueilleront le gui sacré. » Et aussitôt, elle se souvint de certaines descriptions lues dans des livres ou de récits qu'elle tenait de son père, et il lui sembla qu'elle assistait à l'une de ces cérémonies druidiques qui avaient frappé son imagination d'enfant. Mais en même temps, elle se sentait si faible qu'elle n'était pas très sûre d'être réveillée et que cet étrange spectacle fût réel. 4 autres silhouettes blanches se groupèrent au pied de l'arbre et levèrent les bras comme pour recevoir le feuillage prêt à tomber. Là-haut, un éclair jaillit. La faucille d'or du grand prêtre avait coupé la touffe de gui. Puis le grand prêtre descendit du chêne et les 5 silhouettes glissèrent le long de l'avenue, contournèrent le bois et gagnèrent le sommet de la butte. Véronique, qui ne pouvait détacher de ces êtres ses yeux hagards, avança la tête et vit les 3 cadavres suspendus aux arbres de torture. De loin, les ailes noires des coiffes avaient l'air de corbeaux. En face des victimes, les silhouettes s'arrêtèrent comme pour l'accomplissement de quelque rite incompréhensible. Enfin, le grand prêtre se détacha du groupe et, tenant à la main la touffe de gui, descendit la pente de la colline en se dirigeant vers l'endroit où s'amorçait encore la première arche du pont. Véronique défaillit. Son regard vacillant, devant lequel il lui semblait que les choses dansaient, s'accrochait à la lueur scintillante de la faucille qui se balançait sur la poitrine du prêtre, au-dessous de sa longue barbe blanche. Qu'allait-il faire? Bien que le pont n'existât plus, Véronique était convulsée par l'angoisse. Ses genoux ne la portaient plus. Elle se coucha, les yeux toujours fixés sur l'effrayante vision. Au bord du gouffre, le prêtre s'arrêta de nouveau quelques secondes. Puis il tendit le bras qui portait le gui, et précédé par la plante sacrée comme par un talisman qui changeait pour lui les lois de la nature, il fit un pas en avant au-dessus de l'abîme. Et il marcha ainsi dans le vide, tout blanc, sous le clair de lune. Ce qui se passa, Véronique ne le sut point. Il ne pouvait savoir non plus ce qui s'était passé au juste, s'il n'avait pas été le jouet d'une hallucination, et à quel instant de l'étrange cérémonie cette hallucination avait commencé dans son cerveau affaibli. Les yeux clos, elle attendit des événements qui ne se produisirent point, et qu'elle n'essayait d'ailleurs pas de prévoir, mais d'autres, plus réels, la préoccupait. Sa bougie enfermée dans la lanterne s'éteignait, elle en avait conscience, et cependant, il lui était impossible de réagir et de retourner au prieuré. Et elle se disait que si le soleil ne revenait plus avant quelques jours, elle ne pourrait pas rallumer la flamme et qu'elle était perdue. Elle se résigna, lasse de combattre, et se sachant vaincue d'avance dans cette lutte inégale. Le seul dénouement intolérable c'eût été d'être capturée. Mais pourquoi ne pas s'abandonner à la mort qui s'offrait, à la mort par la faim, par l'épuisement? Si l'on souffre, il doit arriver un moment où la souffrance s'atténue, et où l'on passe, presque à son insu, de la vie trop cruelle à cet anéantissement qu'elle désirait peu à peu. « C'est cela, murmura-t-elle, m'en aller de Sarek ou mourir, peu importe, ce qu'il faut, c'est m'en aller. » Un bruit de feuilles lui fit ouvrir les yeux. La flamme de la bougie expirait. Mais derrière la lanterne, Tout va bien était assis, les deux pattes de devant battant l'air. Et Véronique vit qu'il portait au cou, attaché par une ficelle, un paquet de biscuits. « Raconte-moi ton histoire, mon pauvre, tout va bien, » disait Véronique, au cours du matin suivant, après qu'elle eut pris un bon repos dans sa chambre du prieuré, « car enfin, je ne crois pas que tu aies cherché et que tu m'aies apporté volontairement de la nourriture. C'est le hasard, n'est-ce pas? Tu vagabondais de ce côté-là, tu m'as entendu pleurer, et tu es venu. Mais qui t'avait ficelé ce paquet de biscuits au cou? Nous avons donc un ami à Sarek, un ami qui s'intéresse à nous. Pourquoi ne se montre-t-il pas? Parle, tout va bien. » Elle embrassait la bonne bête, et elle lui dit encore, « Et ces biscuits, à qui les destinais-tu? À ton maître, à François, ou bien à Honorine? Non. Alors, à Monsieur Stéphane, peut-être? » Le chien remua la queue et se dirigea vers la porte. Vraiment, il semblait comprendre. Véronique le suivit jusqu'à la porte de Stéphane Maroux. Tout va bien se glissa sous le lit du professeur. Il y avait là trois autres cartons de biscuits, deux paquets de chocolat et deux boîtes de conserve. Et tous ces paquets étaient munis d'une ficelle terminée par une large boucle, d'où il fallait que Tout va bien se fût dégagé la tête. « Qu'est-ce que cela signifie ?» dit Véronique stupéfaite. « C'est toi qui les as fourrés là-dessous? Mais qui te les avait donnés? Nous avons donc réellement un ami dans l'île qui nous connaît, qui connaît Stéphane Maroux. Peux-tu me conduire auprès de cet ami? Il doit habiter de ce côté-ci de l'île puisqu'il n'y a pas de communication avec l'autre et que tu n'as pas pu y aller. » Véronique réfléchissait. Mais en même temps que les provisions déposées par Tout va bien, elle avait avisé sous le lit une petite valise de toile et elle se demandait la raison pour laquelle Stéphane Maroux avait caché cette valise. Elle se crut le droit de l'ouvrir et d'y chercher des indications sur le rôle joué par le professeur, sur son caractère, sur son passé peut-être, sur ses relations avec M. d'Hergemont et avec François. « Oui, » dit-elle, « j'en ai le droit et même le devoir. » Sans hésitation, à l'aide d'une paire de grands ciseaux, elle fit sauter la fragile serrure. La valise ne contenait qu'un registre, fermé par un caoutchouc, mais elle n'avait pas soulevé la couverture de ce registre qu'elle demeura confondue. À la première page, il y avait son portrait à elle, sa photographie de jeune fille, avec sa propre signature en toutes lettres et cette dédicace à mon ami Stéphane. « Je ne comprends pas, je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Je me rappelle bien cette photographie. Je devais avoir 16 ans, mais comment la lui avais-je offerte à lui? Je le connaissais donc. » Avide d'en savoir davantage, elle lut la page suivante, sorte d'avant-propos ainsi formulé. « Véronique, je veux vivre sous vos yeux. Si j'entreprends l'éducation de votre fils, de ce fils que je devrais détester, puisqu'il est le fils d'un autre, et que j'aime parce qu'il est votre fils, c'est pour que ma vie soit en plein accord avec le sentiment secret qui la domine depuis si longtemps. Un jour, je n'en doute pas, vous reprendrez votre place de mère. Ce jour-là, vous serez fière de François. J'aurai effacé en lui tout ce qui peut survivre de son père, et j'aurai exalté toutes les qualités de noblesse et de dignité qu'il tient de vous. C'est un but assez grand pour que je m'y dévoue corps et âme. Je le fais avec joie. Votre sourire sera ma récompense. » Une émotion singulière envahit l'âme de Véronique. Sa vie s'éclairait d'une lumière un peu plus calme, et ce nouveau mystère, qu'elle ne pouvait pas pénétrer plus que les autres, était du moins, comme celui des fleurs de Magnoc, doux et réconfortant. Dès lors, en tournant la page, elle assista au jour le jour à l'éducation de son fils. Elle vit les progrès de l'élève, les méthodes du maître. L'élève était gracieux, intelligent, appliqué, plein de bonne volonté, tendre et sensible, à la fois spontané et réfléchi. Le maître était affectueux, patient, soutenu par quelque chose de profond qui transparaissait à chaque ligne. Et peu à peu, l'enthousiasme croissait au cours de la confession quotidienne et s'exprimait avec une liberté de moins en moins surveillée. « François, mon fils aimé, car je puis l'appeler ainsi, n'est-ce pas? François, c'est ta mère qui revient en toi. Tes yeux purs ont la limpidité de ses yeux. Ton âme est grave et naïve comme son âme. Tu ignores le mal, et l'on pourrait presque dire que tu ignores le bien, tellement il se mêle à ta jolie nature. Certains devoirs de l'enfant étaient transcrits sur le registre, des devoirs où il parlait de sa mère avec une tendresse passionnée et avec l'espoir tenace qu'il ne tarderait pas à la retrouver. « Nous la retrouverons, François, » ajoutait Stéphane, « et tu comprendras mieux alors ce que c'est que la beauté, que la lumière, que le charme de vivre, que la joie de regarder et d'admirer. » Puis, c'était des anecdotes sur Véronique, de petits détails dont elle ne se souvenait même pas elle-même, ou qu'elle se croyait seule à connaître. Un jour, aux Tuileries, elle avait 16 ans, un cercle s'est formé autour d'elle, des gens qui la regardaient et qui s'étonnaient de sa beauté. Ses amis riaient, heureuses qu'on l'admirât. « Tu ouvriras sa main droite, François. Il y a là, au milieu de la pomme, une longue cicatrice blanche. Toute petite fille, elle s'est percé la main avec la pointe en fer d'une grille. » Mais les dernières pages n'avaient pas été écrites pour l'enfant ni certainement lues par lui. L'amour ne s'y déguisait plus sous des phrases d'admiration, se montrait sans réserve, brûlant, exalté, douloureux, frissonnant d'espoir, bien que toujours respectueux. Véronique ferma le registre, elle ne pouvait plus lire. « Oui, oui, je l'avoue, tout va bien, » murmura-t-elle, tandis que le chien faisait déjà le beau. « Oui, mes yeux sont mouillés de larmes. Si peu femme que je sois, je te dis à toi ce que je ne dirai à personne, je suis toute remuée. Oui, je cherche à évoquer le visage inconnu de celui qui m'aime ainsi, quelque ami d'enfance, dont je n'aurais pas soupçonné l'amour discret et dont le nom lui-même n'a pas laissé de trace dans mon souvenir. » Elle attira le chien contre elle. De bon cœur, n'est-ce pas, tout va bien? Pas plus le maître que l'élève ne sont coupables des crimes monstrueux que je les ai vus commettre. S'ils sont complices de nos ennemis d'ici, c'est malgré eux et sans le savoir. Je ne peux pas croire aux philtres, aux incantations, ni aux plantes qui font perdre la raison. Mais tout de même, il y a quelque chose, n'est-ce pas, mon bon chien? L'enfant qui cultivait les Véroniques au calvaire fleuri et qui inscrivait la fleur de maman n'est pas coupable, n'est-ce pas? Et Honorine avait raison en parlant d'un accès de folie. Il reviendra me chercher, n'est-ce pas? Stéphane et lui reviendront. Des heures d'apaisement s'écoulèrent. Véronique n'était plus seule dans la vie. Le présent ne l'effrayait plus et elle avait foi dans l'avenir. Le lendemain matin, elle dit à tout va bien qu'elle avait enfermé près d'elle pour qu'il ne s'échappât point. « Maintenant, mon bonhomme, tu vas me conduire. Où? Mais vers l'ami inconnu qui envoyait des vivres à Stéphane Maroux. Allons-y. » Tout va bien n'attendait que la permission de Véronique. Il s'élança du côté de la pelouse qui montait au dolmen et à mi-chemin, il s'arrêta. Véronique le rejoignit. Il tourna à droite et prit un sentier qu'il mena dans un chaos de ruines situé près du bord de la falaise. Nouvel arrêt. « C'est là, » fit Véronique. Le chien s'aplatit. Il y avait devant lui, à la base de deux blocs de pierre, appuyés l'un contre l'autre et vêtus du même manteau de lierre, un fourré de ronces au-dessous duquel s'ouvrait un petit passage pareil à la gueule d'un terrier de lapin. Tout va bien se glissa par là, disparut, puis revint à la recherche de Véronique, qui dut retourner au prieuré et prendre une serpe afin d'abattre les ronces. Au bout d'une demi-heure, elle réussit enfin à dégager la première marche d'un escalier qu'elle descendit à tâtons, précédée par tout va bien, et qui la conduisit dans un long tunnel taillé en plein roc et que de petits orifices éclairaient du côté droit. Elle se haussa et vit que ces orifices avaient vu sur la mer. Elle marcha ainsi durant 10 minutes, et descendit de nouvelles marches. Le tunnel se resserra, les orifices, tous dirigés vers le ciel, afin sans doute qu'on ne pût les voir d'en bas, éclairaient maintenant par la droite et par la gauche. Véronique comprit alors comment tout va bien pouvait communiquer avec l'autre partie de l'île. Le tunnel suivait l'étroite bande de falaise qui reliait à Sarek le domaine du prieuré. De chaque côté, les vagues battaient les rochers. Puis on remonta par des marches sous la butte du grand chêne. En haut, une bifurcation. Tout va bien choisit le tunnel de droite, qui continuait à border l'océan. Il y eut encore à gauche deux autres chemins qui s'offrirent, tous deux obscurs. L'île devait être sillonnée ainsi de communications invisibles, et Véronique songea avec une étreinte au cœur qu'elle se dirigeait vers la partie que les sœurs Archinia avaient désignée comme le domaine des ennemis, au-dessous des landes noires. Tout va bien trottinait devant elle, se retournant de temps à autre. Elle lui disait, à voix basse, « Oui, oui, mon bonhomme, je viens, et sois sûr que je n'ai pas peur. C'est un ami vers qui tu me conduis, un ami qui a trouvé un refuge par là. Mais pourquoi n'est-il pas sorti de son refuge? Pourquoi n'est-ce pas à lui que tu as servi de guide? Le passage était partout égal, taillé par petits éclats, avec une voûte arrondie et un sol de granit bien sec, que les orifices ventilaient suffisamment. Sur les parois, aucune marque, aucune trace. Quelquefois, la pointe d'un silex noir émergeait. C'est là, dit Véronique à tout va bien, qui s'était arrêté. Le tunnel n'allait pas plus loin, élargi en une chambre où la lumière moins abondante filtrait par une fenêtre plus étroite. Tout va bien semblait indécis. Il écoutait, les oreilles droites, debout, les pattes appuyées contre la paroi extrême du tunnel. Véronique remarqua que la paroi, à cet endroit, n'était pas constituée dans toute sa longueur par le granit lui-même, mais par une accumulation de pierres inégales entourées de ciment. Le travail datait évidemment d'une autre époque, plus récente sans doute. On avait construit un véritable mur qui bouchait le souterrain, lequel devait se continuer de l'autre côté. Elle répéta « C'est là, n'est-ce pas ?» Mais elle n'en dit pas davantage, elle avait entendu le bruit étouffé d'une voix. Elle s'approcha du mur et au bout d'un instant tressaillit. La voix s'était élevée, les sons devinrent plus distincts. Quelqu'un chantait, un enfant, et elle perçut ces mots. Et disait la maman, en berçant son enfant, « Pleure pas, quand on pleure, la bonne Vierge aussi pleure. » Véronique murmura, « La chanson, la chanson. » C'était celle-là même qu'Honorine avait fredonnée à Begmey. Qui donc pouvait la chanter maintenant? Un enfant, retenu dans l'île, un ami de François? Et la voix continuait. « Faut que l'enfant chante et crie, pour que la Vierge sourie, croise les mains et prie, la bonne Vierge Marie. » Les deux derniers vers furent suivis d'un silence qui dura quelques minutes. Tout va bien avait l'air d'écouter avec une attention croissante, comme si un événement, connu de lui, eût été sur le point de se produire. De fait, à la place même où il se tenait, il y eut un bruit léger de pierre qu'on remue avec précaution. Tout va bien agita sa queue frénétiquement et aboya, pour ainsi dire, en dedans de lui-même, en animal qui comprend le danger de rompre le silence. Et tout à coup, au-dessus de sa tête, une des pierres recula, attirée vers l'intérieur et laissant un trou assez large. D'un bond, tout va bien sauta dans ce trou, s'allongea et, cédant des pattes de derrière, se tortillant, rampant, disparut à l'intérieur. « Ah, voici monsieur tout va bien, » fit la voix de l'enfant. « Comment cela va-t-il, monsieur tout va bien? Et pourquoi n'est-on pas venu rendre hier visite à son maître? De graves occupations? Une promenade avec Honorine? Ah, si tu pouvais parler, hein, mon pauvre vieux, ce que tu en aurais à me raconter. Et d'abord, voyons. » Toute palpitante, Véronique s'était agenouillée contre le mur. Était-ce la voix de son fils qui lui parvenait? Devait-elle croire que François était de retour et qu'il se cachait? Elle essayait vainement de voir. Le mur était large, il y avait un coude dans l'ouverture qui le perçait. Mais comme chaque syllabe prononcée, chaque intonation arrivait nettement à ses oreilles. « Voyons, » répéta l'enfant, « pourquoi Honorine ne vient-elle pas me délivrer? Pourquoi ne l'amènes-tu pas ici? Tu m'as bien retrouvé, toi. Et grand-père, il doit s'inquiéter de mon absence. Mais quelle aventure aussi! Enfin, tu ne changes toujours pas d'opinion, hein, mon vieux? Tout va bien, n'est-ce pas? Tout va du mieux en mieux. » Véronique ne comprenait pas. Son fils, car elle ne pouvait douter que ce fût François, son fils parlait comme s'il ignorait tout ce qui s'était passé. Avait-il donc oublié? Sa mémoire n'avait-elle pas gardé la trace des actes accomplis pendant son accès de folie? Oui, un accès de folie, pensait Véronique obstinément. Oui, il était fou. Honorine ne s'était pas trompée, il était fou. Et sa raison est revenue. Ah, François, François! Elle écoutait, de tout son être tendu et de toute son âme frémissante, les mots qui pouvaient lui apporter tant de joie ou un tel accroissement de désespoir. Les ténèbres allaient se refermer sur elle, plus épaisses et plus lourdes, ou le jour se levait dans cette nuit sans fin où elle se débattait depuis 15 ans. « Mais oui, » continuait l'enfant, « nous sommes d'accord, tout va bien. Seulement voilà, je serais rudement content si tu pouvais me le prouver par des preuves véritables. D'un côté, pas de nouvelles de grand-père ni d'Honorine, malgré tous les messages dont je t'ai chargé pour eux. De l'autre, pas de nouvelles de Stéphane, et c'est cela qui m'inquiète. Où est-il? Où l'a-t-on enfermé, lui? Ne meurt-il pas de faim? Voyons, tout va bien. Réponds, où as-tu porté les biscuits avant-hier? Mais enfin, quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air préoccupé. Que regardes-tu par là? Tu veux t'en aller? Non? Alors quoi? L'enfant s'interrompit, puis après un instant et d'une voix beaucoup plus basse. Tu es venu avec quelqu'un? Il y a quelqu'un derrière le mur? Le chien aboya sourdement, puis il y eut un long silence durant lequel François devait écouter lui aussi. L'émotion de Véronique était si forte qu'il lui semblait que François devait entendre battre son cœur. Il chuchota. « C'est toi, Honorine ?» Un nouveau silence et il reprit. « Oui, c'est toi, je suis sûr. Je t'entends respirer. Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Un élan souleva Véronique. Certaines lueurs l'avaient illuminée depuis qu'elle savait Stéphane emprisonné, donc victime comme François sans doute de l'ennemi, et son esprit était effleuré de suppositions confuses. Et puis, comment résister à l'appel de cette voix? Son fils l'interrogeait, son fils. Elle balbutia. « François, François !»« Oh » fit-il. « On répond, je savais bien, c'est toi, Honorine ?»« Non, François, » dit-elle. « Alors, c'est une amie d'Honorine. Je ne vous connais pas ?»« Non, mais je suis votre amie. » Il hésita. Se méfiait-il? Pourquoi Honorine ne vous a-t-elle pas accompagnée? Véronique ne s'attendait pas à cette question, mais elle comprit aussitôt que si les suppositions involontaires qui s'imposaient à elle étaient exactes, la vérité ne pouvait pas encore être dite à l'enfant. Elle déclara donc « Honorine est revenue de voyage, puis partie. Partie à ma recherche. C'est cela, dit-elle vivement. Elle a cru que vous aviez été enlevé de Sarek ainsi que votre professeur. » Mais, grand-père, parti également, et à sa suite, tous les habitants de l'île. Ah, toujours l'histoire des cercueils et des croix. Justement, ils ont supposé que votre disparition était le commencement des catastrophes, et la peur les a chassés. Mais vous, madame, moi, je connais Honorine depuis longtemps. Je suis venu de Paris avec elle pour me reposer à Sarek. Je n'ai aucune raison de m'en aller. Toutes ces superstitions ne m'effraient pas. L'enfant se tut. L'invraisemblance et l'insuffisance de ses réponses devaient lui apparaître et sa défiance s'en augmentait. Il l'avoua franchement. « Écoutez, madame, je dois vous dire quelque chose. Voilà 10 jours que je suis enfermé dans cette cellule. Les premiers jours, je n'ai vu ni entendu personne. Mais depuis avant-hier, chaque matin, un petit guichet s'ouvre au milieu de ma porte et une main de femme passe et renouvelle ma provision d'eau. Une main de femme. Alors, n'est-ce pas ? « Alors, vous vous demandez si cette femme n'est pas moi ?»« Oui, je suis obligé de me demander cela. »« Vous reconnaîtriez la main de cette femme ?»« Oh, certes, elle est sèche et maigre, le bras est jaune. »« Voici la mienne, » dit Véronique. « Elle pourra passer par le même chemin que tout va bien. » Elle releva sa manche et de fait, son bras nu, en se courbant, passa aisément. « Oh !» dit aussitôt François, « ce n'est pas cette main que j'ai vue. » Et il ajouta tout bas, « Comme celle-là est belle !» Soudain, Véronique sentit qu'il la prenait dans les siennes d'un geste rapide et il s'écria « Oh, est-ce possible? Est-ce possible ?» Il l'avait retournée et il écartait les doigts pour que la paume fût bien découverte. Il murmura « La cicatrice, elle est là, toute blanche. » Alors un grand trouble envahit Véronique. Elle se souvenait du journal tenu par Stéphane Maroux et de certains détails retracés par lui et que François devait avoir lu. Un de ces détails, c'était cette cicatrice qui rappelait une ancienne blessure assez grave. Elle sentit les lèvres de l'enfant qui se posaient sur sa main, doucement d'abord, puis avec une ardeur passionnée et des larmes abondantes, et elle l'entendit qui balbutiait « Oh, maman, maman chérie, ma chère maman !»